Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 24 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Tecle. Le dicton nous dit « Pluie de septembre est bonne à semailles et à vignes ». Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale contre les brevets logiciels. En Afrique du Sud, c'est la journée du patrimoine, célébrant le patrimoine culturel de tous les peuples d'Afrique du Sud. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est la fête de la citoyenneté. Dans les événements qui se sont déroulés un 24 septembre en 1853, la Nouvelle-Calédonie était proclamée colonie française. En 1973, la Guinée-Bissau se proclamait indépendante. Et en 2000, en France, c'était l'adoption du référendum sur le quinquennat présidentiel. Allez, tout de suite, on fait un point sur le don du son du mois de septembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo, c'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du Sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de septembre 2019 dans notre département. Je cite, le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos citoyens explique cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et pour se donner les moyens de répondre à cette exigence, je vais vous communiquer les futures dates du mois de septembre où vous pourrez aller donner votre sang. Le mardi 24 septembre 2019, au Toli, à la salle polyvalente, située à l'adresse 2, route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Et enfin, le lundi 30 septembre, à Éloi, à l'espace culturel, situé à l'adresse 5, rue Charles de Gaulle, de 8h30 à midi et de 16h à 19h30. Il est très important d'aller donner votre sang pour sauver les malades, car en effet, beaucoup de malades ont besoin d'une transfusion sanguine et nos dons, vos dons, pourrait sauver un bon nombre de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Isia Higelin qui revient avec un tout nouvel album. Et le premier extrait de ce nouvel album s'intitule « Trop vite » et on écoute ça tout de suite. Sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Isia avec le titre Trop vite sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 septembre 1948. Naissance de Gordon Clapp, acteur américain, vu dans la série télé New York Police Department Blue, dans le rôle du détective Greg Medavoy. Vu également dans Monk, Deadwood, Esprit criminel, Cold Case, Affaires classées ou encore Chicago Fire. 1949, naissance de Pedro Almodovar, réalisateur espagnol à qui l'on doit Femme au bord de la crise de nerfs, Attache-moi, Talon aiguille, récompensé par le César du meilleur film étranger, Tout sur ma mère, Oscar du meilleur film en langue étrangère, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, César du meilleur film étranger, Parle avec elle, Oscar du meilleur scénario original et César du meilleur film de l'Union Européenne. On lui doit également Volver, récompensé au Festival de Cannes par le prix du scénario, et on lui doit plus récemment Les Amants passagers. 1958, naissance de Kevin Sorbo, acteur américain connu pour avoir incarné Hercule dans la série du même nom, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans quelques épisodes de la série Xena la guerrière, vu également dans la série Andromeda dans le rôle du capitaine Dylan Hunt, Newport Beach dans le rôle de Frank Atwood, Hawaii 5-0 ou encore quelques épisodes de Supergirl. 1985, naissance de Jessica Lucas, actrice canadienne, vue dans Big Mama de père en fils dans le rôle d'Ellie, Evil Dead, Pompéi dans le rôle d'Ariadne, dans la série Edgemont dans le rôle de Becca Lawrence, Melrose Place Nouvelle Génération dans le rôle de Riley Ann Richmond ou encore la série Gotham dans le rôle de Tabitha Galavan alias Tigresse. 1987, naissance de Grey Damon, acteur américain vu dans Percy Jackson, La Mère des Monstres, dans le rôle de Chris Rodriguez, la série télé Aquarius, The Flash dans le rôle de Sam Scudder alias Mirror Master, et vu aussi dans Grey's Anatomy Station 19 dans le rôle de Jack Gibson. C'est également l'année de naissance de Britt Morgan, actrice américaine connue pour son rôle de Debbie Pelt dans les saisons 3 et 4 de la série True Blood, vue dans Desperate Housewives, Esprit criminel, Supergirl dans quelques épisodes dans le rôle de Leslie Willis alias Livewire, et vue dans la saison 2 de Riverdale dans le rôle de Penny Peabody. 1990, naissance d'Izzy Higelin, chanteuse actrice française vue dans Mauvaise Fille dans le rôle de Louise, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, Samba dans le rôle de Manu ou encore la série télé Serge le Mytho dans le rôle d'Ingrid. En 768, décédé Pépin le Bref, qui fut roi des Francs de 751 à 768, voilà pour le petit point histoire. En 2004, décédé Françoise Sagan, célèbre romancière française, à qui l'on doit par exemple Bonjour Tristesse, Un certain sourire, Château en Suède, Des bleus à l'âme ou encore Avec mon meilleur souvenir. En 2016, décédé Bill Nunn, acteur américain, vu dans Sister Act ou encore Spider-Man 1, 2 et 3 dans le rôle de Joseph Robertson. Et en 2017, décédée Gisèle Casadesus, comédienne française vue dans Homme-femme, mode d'emploi dans le rôle de Clara Blanc, Les enfants du Marais dans le rôle de Madame Mercier ou encore Palais Royal dans le rôle d'Alma, la reine-mère. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale signée Sia et le titre Unstoppable. I'll smile on what it takes to fool this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Avec le titre Unstoppable sur le 107FM, un peu plus de 8h43. Et il est temps eh bien, pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, on va profiter un petit peu des éclaircies qu'il y a ce matin, même si en regardant par la fenêtre, je vois que ça s'est principalement transformé en nuages. La pluie fera son apparition dans le courant de la matinée. Des températures comprises entre 9 et 11 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés pour cet après-midi. Mercredi sera une journée mitigée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 16 et 17 degrés l'après-midi. Jeudi, journée pluvieuse, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Zouai, Adrienne Marino s'est qualifiée en 2-7 face à Zhang, 7-6, 7-5. Pas de français sur les cours aujourd'hui. À Chengdu, toujours pas de français sur les cours. À Wuhan, a noté l'élimination de Mladenovic en 2-7 face à Martic, 6-2, 6-2. Aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Barty et à Tashkent, Pauline Parmentier est en train d'affronter Krunic. Un mot de volleyball maintenant avec les championnats d'Europe. Ce soir, quart de finale pour l'équipe de France qui affronte de nouveau l'Italie. Hein, les Français avaient affronté les Italiens en phase de poule, ils s'étaient imposés 3-7-1. Donc espérons que nos Français réitèrent cette belle performance et puissent se qualifier ainsi pour les demi-finales. Un mot de football avec la Ligue 1 ce soir, Dijon Marseille et Monaco Nice. En basket en National 1, le Jet Vosges reçoit Besançon et on termine avec du hockey sur glace. Hier après-midi a eu lieu le tirage au sort de la Coupe de France. Le premier tour c'est le 5 octobre et Épinal se déplacera à Amnéville. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause avec là aussi une nouveauté signée Mika, ça s'intitule Ice Cream. With its Ice Cream sur RGM, un peu plus de 8h48. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 10h30. Ce sera le retour de Plus belle la vie. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, la rediffusion de Memento Mori. 18h30, Kaizen. 20h, la parole est à vous avec Michel qui nous parle de la fête des simples. 22h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.